fight on the seas and oceans, we shall defend our own, whatever the cost may be. We shall never surrender. Tell me that you find it hard to grow. Précisément 2h20 avec la fin de cette pièce merveilleuse de Supertramp, Fool's Overture. Quelle version! Merci à Jacques qui nous a amené, il a repêché dans sa discothèque le vinyle Live in Paris. C'est toute une relecture de la part de Supertramp de son classique. Oui, la version est beaucoup plus énergique puis sentie, je trouve. La version studio est très bonne, elle est excellente. Mais on sent vraiment que les gars sont dedans dans cette version aussi. Ah, vraiment, là, c'est du grand art. Si vous voulez un bon live de Supertramp, Live in Paris, c'est vraiment un must. Les pièces, là, c'est vraiment tous les classiques ou presque sont là. Mm-hmm. C'est la tournée Breakfast in America, j'ai bonne mémoire. OK. Fait que vous allez avoir vraiment Garage Girl Song, vraiment les gros classiques. Tous les standards sont là. Oui. Et juste avant, on avait Jimi Hendrix, Call Along the Watchtower. C'est extraordinaire cette pièce-là, parce que on en jasait un petit peu tantôt hors d'onde. Pourquoi les gens ont voté pour elle plutôt que pour Hey Joe ou Voodoo Child? Mais All Along the Watchtower, c'est un exemple absolument patent d'une pièce qui a été reprise, mais tellement bien refaite. Qu'on a quasiment oublié que c'était l'original, c'était de Bob Dylan. C'est pour l'éternité, je pense que c'est vraiment la relecture de Jimi Hendrix de All Along the Watchtower qui va rester pour les siècles à venir. Amen. Il n'y a aucun doute là-dessus. Juste avant, un groupe qu'on a eu la chance de voir l'été passé sur les plaines d'Abraham, dans le cadre du Festival d'été de Québec, The Who, légendaire pour la première fois qui se produisait dans notre belle ville, Won't Get Fooled Again. Mm-hmm. C'est sûr qu'on aurait peut-être mieux aimé les voir il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais c'est mieux que rien. Je dirais, le show est excellent à partir probablement de la dernière heure, là, était parfaite, mais on avait l'impression à un moment donné, au début surtout, qu'il était un petit peu en rodage. Mais regarde, là, toi comme moi, Stéphane, on a vu des gens du rock live et ça n'a pas de prix. Non, j'ai passé une excellente soirée malgré les petits ratés en début, mais vraiment ils m'ont comblé malgré tout avec leur performance, surtout la fin du spectacle, j'avoue. Quand ils ont fait Semi Filmy, ils sont venus me chercher tout à fait. Totalement. Tout juste avant, King Crimson avec la grosse face. Oui. L'album qui ouvre, la pièce qui ouvre cet album, pièce apocalyptique et toujours d'actualité. 21st Century Schizoid Man, plus que jamais, je pense, d'actualité d'ailleurs. À l'origine, ça parlait de la guerre du Vietnam, cette chanson-là. Et détail peu connu, mais ça aurait pu être chanté par Elton John, parce que Elton John avait auditionné pour King Crimson. Finalement, c'est Greg Lake qui a été retenu. Ça aurait fait un drôle de mix. Brian Ferry aussi avait auditionné. Ouais, finalement, tout le monde avait auditionné pour King Crimson, parce que c'était The Next Big Thing à l'époque, puis il y a bien des gens qui voulaient faire partie de l'aventure. Mais je pense qu'il y avait une guerre d'égo entre Ferry et Fripp, probablement. Là. Non, les deux n'auraient pas vraiment fonctionné longtemps. Ça n'aurait pas collé. et Deep Purple avec le vintage thème de l'émission L'Autoroute, la pièce Lazy. Évidemment, on l'a tous trippé là-dessus là, en écoutant L'Autoroute. Là. C'était le début de la grande nuit du rock'n'roll dans ces années-là. Et je l'ai peut-être déjà su, la mémoire étant une faculté qui oublie, mais je me rappelle pas s'il y avait une raison particulière pourquoi M. Frisco et Grand Maison avaient choisi cette pièce comme thème pour ouvrir l'émission. Sinon, peut-être le titre, Lazy, de paresser toute la nuit en écoutant de la musique, en trippant. Ça serait logique, mais il y a peut-être une autre signification. S'ils veulent nous appeler, on est disponible pour prendre l'info. 640-2575. 640-CKL et c'est le même numéro pour faire vos dons pour le Radioton parce que nous sommes en plein Radioton. Objectif 42 000 $. Alors, si vous voulez nous téléphoner, c'est le temps ou jamais. Évidemment, c'est le même jusqu'à demain soir. Je pense que c'est à 18h que ça se termine. 18h, l'émission de fermeture qui débute jusqu'à environ 21h avec Agnès Maltais et une trolley d'invités. C'est la dernière fois qu'Agnès Maltais va être ici. C'est vrai. En tant que députée, ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas par la suite, mais dans ce rôle particulier. Et d'ailleurs, dans les encans, si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser d'aller visiter à l'Assemblée nationale, et d'avoir un dîner aux parlementaires avec nul autre que Mme Maltais avant qu'il quitte à la retraite, donc d'ici la mi-juin, bien il y a un des encans, il y a un des lots offerts à l'encan qui vous permettrait de faire ça. Si vous y mettez le prix, évidemment, vous allez sur le www.ckrl.qc.ca, vous allez avoir la liste de tous les lots qui sont mis à l'encan et qui seront fermés progressivement à compter de 18h demain soir. Et tant qu'à être sur le site, bien, vous avez l'onglet sécurisé PayPal sur lequel vous pouvez faire un don ou encore vous procurer votre carte de membre ou la renouveler selon votre guise en autant que vous nous donniez de l'argent. Exactement. C'est pour une bonne cause, notre cause. Exact. 45 pièces ce soir, le premier tiers en 3h25 d'émission est passé. On en a joué 15 jusqu'à date. Est-ce qu'on va arriver à faire toutes les pièces d'ici 7h30 demain matin? On verra, mission ardue probablement, et histoire de ne pas trop vous faire patienter, bon, on va retourner à un autre groupe que l'on a déjà entendu dans l'émission, fort populaire, mais tellement génial au niveau musical, il n'y a rien qui peut se comparer à ça, Gentle Giant. Yeah. Premier album, une pièce qui a pour titre Nothing at All. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autoroute spéciale Radio-Temps sur les ondes de CKRL, le 89.1 à Québec. Tears. We'll be right back. she sits by the riverside, watching the waters glide by with a sigh. The sunrise. sharp distance. How can the wind with its arms around me, lost on a wave, then after of the color sunshine, straight light searching all the meanings of the song.

comprendre. Somewhere rather than the Indians first on the bell, carve the hell. Minutes à l'écoute de l'émission d'autoroute spéciale Radio Tour qui se poursuit. Vincent, Jacques, Stéphane, toute l'équipe réunie en cette nuit fort particulière avec les 45 pièces marquantes de l'autoroute. Selon vous tous, chers auditrices et auditeurs, et en position 18, Frank Zappa, Inca Roads au 89.1. Et on a encore pu constater à quel point le grand Frank est en avance sur son époque. Ah, disons qu'il a tellement produit, mais il a pas produit grand-chose de mauvais. Dans non, ce qu'il a vraiment produit, pas. On peut dire qu'il y avait une bonne moyenne au bâton. Et on parlait avec un visiteur qui est ici en studio, justement, qu'on salue. Tous les shows qu'il y a eu, Dweezil, Zappa, Play Zappa et tout ça, là, c'est la multitude d'hommages qu'il y a eu à ce musicien-là, c'est la meilleure preuve à quel point son rayonnement est encore très présent. Et parlant d'hommages, prochainement, je ne sais pas si à quel point il joue encore du Zappa, mais il y a Ike Willis qui va être au Bar Lanty. Oui. Donc, que j'ai déjà eu le plaisir de voir avec The Band from Utopia. Il y a plusieurs années, il était venu à la salle Jean-Paul Tardy du collège Hachard Garnier, qui à l'époque s'appelait la salle Marquette, c'était pas encore la salle Tardy, et vraiment ça avait été toute une performance. Il a une voix incroyable, Ike Willis. Je suis pas mal certain qu'il fait encore du Zappa. En tout cas, il fera peut-être pas uniquement que du Zappa, mais il va en chanter quand même quelques-unes, j'en suis certain. Tout juste avant, classique de Yes. Il n'y en avait pas encore eu ce soir. Ben voilà. L'album Fragile, il va en avoir une autre d'ailleurs dans pas si long. Oui, il y avait eu du Yes au départ. Ouais, Close to the Edge. Ah, ben oui, Close to the Edge. Il n'y en a pas eu de l'album Fragile à date, mais c'est ça. Non, il y a trois pièces de Yes au total qui sont sorties dans le top 45. Donc, oui, Close to the Edge, position numéro 4. Merci, Jacques, de me ramener à l'ordre. Surtout qu'on a dit en plus tantôt que cette pièce-là avait déjà été, par le passé, la numéro 1. Et ben là, c'était Heart of the Sunrise et un petit peu plus tard, Roundabout, évidemment. Et, ben allez-y. Non, non ben, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire un peu un parallèle entre Close to the Edge et Fragile. Fragile, quand tu écoutes l'album, c'est un album très les pièces sont très individualistes. Quand tu écoutes Close to the Edge, c'est vraiment beaucoup plus homogène comme album. C'est quand même assez spécial que le groupe ait réussi à faire deux styles complètement différents, deux gros albums en même temps. Et presque coup sur coup, coup pour sur ainsi coup. Dire. Là, c'est... Je pense qu'il y a 10 mois de différence entre les deux albums. C'est encore plus surprenant. Il était dans un bon mood créatif. Particulièrement, on avait commencé avec Gentle Giant. Nothing at all. Ça, Jacques, il a trippé en écoutant ça, parce que c'est les premières pièces progressives que tu as entendues à vie. À 13 ans. À 13 ans, j'avais un voisin qui s'appelait Pierre Roy. On le salue s'il est là. Elle écoute. Il est de Sainte-Claire de Bellechasse. Puis c'était mon voisin. Puis il y avait une grosse discothèque. Puis il y avait une disco mobile aussi. Puis il dit, regarde, viens chez nous, je vais te faire écouter des choses. Il m'a fait écouter ça. Il m'a fait écouter les pièces les plus progressives sur Duke. Puis du Yes aussi. Puis c'est lui qui m'a fait comprendre que le guitariste de Yes était un guitariste country. Et en parlant de Steve Howe? Oui. Ah, ouais. OK. Oui. Ouais, parce qu'une des idoles de Steve Howe, c'était Chet Atkins. Oui. C'est, il faut bien commencer quelque part, quand même. Puis dans le jazz, c'est Wes Montgomery, entre autres. Et effectivement. Puis le guitariste des Shadows aussi. Oui, je ne me rappelle plus de son nom, là, mais Hank Marvin. Hank Marvin, j'avais Hank Williams. Pas exactement la même chose. Après 4 heures d'émission, on est rendu à 18 pièces de jouer. Il en reste encore 3 de pratiquement 20 minutes. J'ai hâte de voir si on va réussir à se rendre à 45. Sinon, je vous promets que la semaine prochaine, je vous fais jouer en début d'émission les pièces manquantes, si jamais, d'ici 7h30 demain matin. Peux-tu les faire jouer en 45 tours? Ah oui, ça pourrait être une solution. En version accélérée. Ouais, ben tu sais, je pourrais prendre des pièces de 20 minutes, puis justement de faire un montage expéditif. On dirait que c'est des versions Pérus. Oui, tout à fait. la prochaine qui vient, avant de la présenter, bon, on va juste rappeler aux gens que nous sommes en Radioton. C'est le numéro pour nous contacter, le 418-640-CKRL, 640-2575. Vous pouvez aussi, via le site internet de l'émission, de la station, plutôt, au www.ckrl.qc.ca. Vous avez l'onglet sécurisé PayPal, sur lequel c'est très facile de faire un don ou encore de vous procurer votre carte de membre. Et le Radioton est en onde jusqu'à environ 22h dimanche soir. L'émission d'autoroute, elle, va se terminer quelque part au petit matin. Mm-hmm, tout à fait. Mais je suis pas mal certain qu'on va en venir à bout pour ce qui est du destin. En tout cas, la prochaine va faire en sorte qu'elle va être longue. Je vous parlais de 3 pièces de 20 minutes qui restaient. Ben, en voilà une des 3. Puis ça, ben, je pense que c'est un incontournable. Emerson, Lake and Palmer, deux des membres du groupe qui sont décédés en peu de temps en 2016. L'hécatombe. Oui, tout à fait. Et la pièce, je pense, n'a pas vraiment besoin de présentation non plus. Quand on parle de pièces de 20 minutes de Emerson, Lake and Palmer, vous avez peut-être 3-4 choix dans le lot. Mais celle-ci étant, je crois, la plus connue. On écoute à CKRL 89.1. Puis là, je pense qu'on peut pas encore un peu de temps parce que elle est longue. Elle est longue un peu à partir. Ça y prend quelques secondes. Je vous rappelle le numéro à composer, 640-2575. Je vous invite aussi à visiter le groupe Facebook de l'émission L'Autoroute.

every single hair on his head, he's dead. A minister of hate had just arrived too late to be spared. Who cared? The wheel and the man they made. The builder wandered in, committing every sin that he could. So good. The coroner of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The wheel and the man they made.

classique à l'émission d'autoroute pour ce spécial du Radioton et les 45 ans de CKRL avec 45 pièces marquantes selon votre choix qui a été fait dans les semaines précédentes. Numéro 21, Yes, Roundabout. C'est pas très surprenant. On est... C'est un genre de best-of de l'autoroute auquel on a droit cette nuit. Un petit peu toutes les meilleures pièces que les gens appelaient le plus souvent pour demander. On est carrément là-dedans, dans la crème de la crème. Et oui, puis ça n'a pas trop arrêté depuis 23 heures, puis ça va continuer de même encore pour 4 heures, croyez-le ou non. Alors donc, tout juste avant, ben nul autre que Login and Messina, quand même numéro 20. J'ai été un peu surpris que ça se ramasse si haut dans le classement. La pièce Pathway to Glory, mais aussi connue sous le nom de Beware. Toi, la première fois qu'on te l'a demandé, c'était sous ce titre-là. Exactement. Donc, ça m'a pris un certain temps avant de cliquer. mais bon, j'ai fini par tomber sur le vinyle. La personne m'avait un peu expliqué de quoi ressemblait le disque. J'ai présumé que c'était lui. J'ai écouté. Puis finalement, ben, je suis tombé sur la pièce Beware, qui était tout simplement Pathway to Glory. Et c'est spécial parce que c'est pas une pièce qui est typique de Loggins and Messina. Eux autres, c'est plus un groupe folk rock. Il faut bien l'avouer, tandis que cette chanson-là, mais c'est carrément progressif. Ça, ça sonne même un peu Kansas. Oui, annonciateur de Kansas. Le vieux Kansas, là, de premier album. Mm, tout à fait. Toute une pièce, quand même. Et ben, une autre pièce assez incroyable qui avait débuté, Emerson, Lake and Palmer, la chanson Tarkus. Mm-hmm. Donc, c'est pour notre édition spéciale de l'autoroute 45 meilleures tunes. Et évidemment, ben, il y a le Radioton qui se poursuit toujours. L'objectif, c'est 42 000. Si vous voulez faire un don, ben, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca. Et il y a un onglet PayPal via lequel vous pouvez faire un don ou acheter votre carte de membre. Et sinon, ben, il y a le bon vieux téléphone, n'est-ce pas? Le 418-640-CKRL ou 2575, c'est comme vous voulez. Et bien évidemment, vos commentaires et appréciations sont toujours les bienvenus. Comme depuis un petit bout, il y a plusieurs groupes qui reviennent. Ben, à nouveau, après notre intervention, ce sera Uncle Frank, que l'on a entendu il n'y a pas si longtemps. Pièce d'un album qui a marqué pas mal sa discographie, One Size Fits All, le disque, et la chanson Cosmic Debris. On écoute à l'instant. Au 89.1, c'est l'autoroute spéciale radio. I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? troubles of my own, I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout. I got a crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I said some mumbo-jumbo then, I told him he was going to sleep. I robbed his range and rocket watch and everything was about. I had that sucker hypnotized, he couldn't even. Of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Look here, brother, who you jamming with that cosmic debris? Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me. Don't waste it. We get around talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try and dig what we all say.

Thank you. Un groupe qui se retrouve dans le top 100 selon Rolling Stones des meilleurs albums progressifs de tous les temps. Si on avait besoin d'une cinquième saison Harmonium, histoire sans parole, et je suis pas mal sûr que c'est cette pièce-là qui a fait en sorte que l'album s'est retrouvé dans le top 100. Aucun doute là-dessus. Et c'est quand même pas rien. On s'entend que être sélectionné dans une telle liste aux côtés de groupes comme Genesis, Gentle Giant et compagnie, c'est un petit velours pour le Québec. Et pour nous ce soir, il a fait partie de notre top 25, 25e position. Premier groupe québécois qui joue d'ailleurs ce soir, même j'aurais tendance à dire premier Canadien. Oui, c'est vrai, absolument. Dans l'ensemble. Il n'y en avait pas eu. Il va y en avoir prochainement, mais il n'y en avait pas eu encore jusqu'à maintenant. Ah, un petit détour du côté de la Californie, tout juste auparavant, avec M. Jim Morrison et ses acolytes des Doors. Le Roi Lézard. Deuxième album, Strange Days. Et moi, c'est ma période préférée des Doors, les deux premiers disques. Et When the Music's Over, c'est une de ces pièces fleuves, un peu à la The End, où Jim Morrison semble tutoyer le diable. C'était lui le vrai antéchrist hein, dans la musique. Là. C'était vraiment lui qui remplissait tous les critères. Vraiment de toute beauté, When the Music's Over, c'est une des meilleures pièces des Doors, sans aucun doute. Je suis bien d'accord et on peut même se permettre de la dédier à la France qui l'aime bien. Oui. Qui sait, elle est peut-être à l'écoute. Le 418-640-1586 ne fonctionne pas ce soir. Il faut nous contacter au 640-2575-640-CKRL. The Who, de retour avec leur premier grand classique, My Generation. Mm-hmm. Quasi-punk dans l'esprit. Pour l'époque, là, en 1964 ou 64-65, c'était presque proto-punk 10 ans avant le temps du Pete Townshend à son meilleur. I hope I die before I get old. Ça prenait. Fallait avoir du culot de chanter ça et se retrouver 40 ans plus tard sur les plaines en spectacle. Et on avait commencé avec Frank Zappa. Je vous ai un peu induit en erreur tout à l'heure, l'album Apostrophe. C'était Incaro tout à l'heure qui était d'un One Size Fits All, mais là c'était Cosmic Debris. Mm-hmm. Et l'album Apostrophe, Monsieur Uncle Frank Zappa. Ah, qui a été très populaire ici au cours de l'émission d'autoroute, qui a fait le plaisir des oreilles des auditeurs et des auditrices. Oui, et de nombreuses nuits spéciales par le passé qui ont été consacrées à sa musique. Mais les nuits sur Zappa, on pourrait en faire 10 et il n'y aurait peut-être même pas deux fois la même pièce qui jouerait ou la même version de la pièce. Non, c'est ça, il nous resterait du stock en masse pour en faire 10 autres sans aucun problème. Nous sommes donc en mode Radioton et vous êtes en compagnie de Stéphane Villeneuve et moi-même, Vincent Delisle. L'objectif, c'est 42 000 $ d'ici demain soir. On est rendu à 22 000, grosso merdo. Numéro de téléphone, bon, on vous l'a donné, c'est le 640-2575. Et sinon, il y a l'onglet PayPal sur le site de ckrl.qc.ca via lequel vous pouvez soit faire un don ou vous procurer votre carte de membre. Comme je vous dis, tout ça, ça roule de même jusqu'à demain soir. Demain, toute la journée, si ça vous tente de passer, faire un tour au 405 3e Avenue à Limoilou, vous pouvez venir nous voir. Et en même temps, c'est une occasion de faire votre don. C'est parce que CKRL, je pense, si vous êtes à l'écoute au moment où l'on se parle ou à n'importe quel autre moment de la journée. C'est parce que c'est cette station-là vous tient à cœur. Puis comme ça marche à l'huile de bras, ça marche également avec de l'argent. Alors on attend, on sait que les gens ne nous lâcheront pas et vont être généreux. Et tant qu'à y être, laissons Syd Barrett nous conter l'histoire de Astronomy Dominée. Vous êtes à CKRL 89. Underground, jump into. CKRL, avec vous à l'heure des grands classiques du rock. Bonsoir à à tous, Pierre Grandmaison avec vous encore une fois pour célébrer cette 600e émission de l'autoroute de tout cœur avec vous, les amis. Au fil des années, vous avez démontré une fidélité vraiment sans faille. Certains travaillent à l'avant scène, c'est le cas de Stéphane, si on peut dire, qui est l'animateur. Mais aujourd'hui, cette nuit particulièrement, je voudrais faire un grand salut, un grand coup de chapeau à un gars qui travaille dans l'ombre depuis des années, qui est là, fidèle au poste, bon temps, mauvais temps, que j'ai eu le plaisir et vraiment le plaisir de côtoyer aussi à l'époque où j'étais l'animateur de Dangereuses Visions. Il venait nous voir à toutes les nuits, à toutes les semaines, pour nous donner un coup de main, nous passer des CD, etc., etc. Et tranquillement, lentement, il s'est mis à la mise en onde, est devenu un homme de confiance. Et j'ai nommé Bruno Nirvana Côté. Thank you. Albrook revient de guerre. Il est vieux, il ne chante.